Mes chers amis, bonjour. Buenos días. Bonjour. Hoy estoy con una nueva invitada que se llama Caroline, ¿verdad? Sí. Caroline. Bueno, entonces, Elia, ¿para qué has venido hoy a Salamanca? Aujourd'hui. Non. Moi, je suis à Salamanque parce que je suis en train de faire un programme de doctorat. Je suis en ce moment en train de faire la thèse. Mmh. Et voilà, ça fait 4 ans que j'habite en Espagne, mais à Salamanque plus précisément 2 ans. 2 ans. Dos años que llevas en Salamanca. Ça oui. fait 2 ans que tu es à Salamanque. Oui. Voilà. Et sa thèse va marchando? Oui, peu à peu, elle commence à prendre forme. Muy bien, pues me alegro mucho, porque es un trabajo no poco difícil. Y bueno, pues sí, mucho esfuerzo. Muy bien. Entonces tú, Caroline, vas a decir a nuestros oyentes de dónde vienes. ¿Eres francesa? Oui, je suis française, mais de Lorraine. Ah, muy bien. Entonces, pues mira, muy fácil, muy bonito. Hoy no, vamos a hablar de Lorena, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Entonces, dinos, ¿dónde está Lorena? La Lorraine, c'est une région de France qui est au nord-est. Mmh. C'est une région frontalière entre l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Muy bien. O sea, está en el nord-ouest de Francia. Oui, nord-est. Ouais. Et elle est composée de 4 départements. Mmh. Ah, et le français, c'est siempre con los departamentos. Oui. Alors, le département de la Meurthe-et-Moselle, mmh. qui, dont la capitale est Nancy. Mmh. Il y a un chef-lieu. La préfecture, mais c'est aussi la capitale de la région avec Metz, qui est la préfecture de la Meuse. Entonces, de la Moselle, excusez-moi. Ouais. Entonces, tenemos la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse avec Bar-le-Duc, voilà. Et la Moselle avec Metz. Et enfin, Moselle. Les Vosges, d'où moi je suis, avec Épinal. Muy bien, entonces, son 3 départements. Marcados claramente por los ríos, ¿no? Oui, des 4 départements, il y en a 3 qui sont marqués par les fleuves, mm-hmm. c'est-à-dire la Moselle, la Meurthe et la Meuse. Muy bien. ¿Y esos ríos de dónde vienen? ¿Vienen de Alemania, de Bélgica? Del norte de Europa, oui, ¿verdad? Oui, ils viennent du nord, oui. Mm-hmm. Porque en Namur, en Bélgica, pasa la... A ver, que no diga bobados yo, ¿la Moselle o la Meuse? La Meuse, a lo mejor. En Namur, oui. La Meuse. Oui. Mmh. O sea, son ríos que bajan del norte de Europa. Muy bien. Perfecto. Entonces, 4 departamentos. Y es una autonomía. Lorena es una autonomía, ¿no? Una región autonómica. Oui, une région. C'est une région. Mmh. Muy mmh. bien. Entonces, la capital de cette région. Oui, c'est un sujet de querelle en Lorraine, parce que les Lorrains eux-mêmes ne savent pas quelle est la capitale. Alors, l'académie, par exemple, notre académie en Lorraine s'appelle Nancy-Metz, parce qu'on ne sait pas quelle est la capitale. Historiquement, c'est Nancy, mais politiquement, apparemment, c'est plutôt Metz. Donc, ils sont un peu en querelle sur ce sujet. Ay, pues no es la única zona de Francia donde hay guerrillas de ese tipo. Bueno, pues no es tan fácil. O sea, ¿qué quiere decir que Europa no es tan fácil? No. Claro. Bueno, pues muy bien. Entonces, 4 departamentos. Las ciudades más relevantes, nos has dicho. Entonces, en Meurthe-et-Moselle, la más relevante, ¿cuál sería? Nancy. Nancy. Muy bien. En la Meuse, la más relevante... Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Pero la gente no conoce Bar-le-Duc, ¿verdad? No, c'est une ville un peu isolée. Sí. Mais bon, il y a Reims aussi qui est assez connu, mais qui est plutôt en Champagne. Ah non, eso no. C'est en Champagne, en la Meuse... mais ça lui vole un peu son... Ah, ya. Yeah. Su protagonisme. Voilà, c'est ça. Son intérêt. La ciudad, a lo mejor, más conocida, a lo mejor, en la Meuse, a lo mejor es... Oui, alors Verdun, c'est une ville très connue historiquement. Ouais, claro, que quita protagonismo a Bar-le-Duc. Oui. ¿Verdad? Muy bien. Y la Meuse, en la Moselle, entonces, la capital es, me has dicho... Metz. Metz. Muy bien. Y entonces, la capital de Vosges es... Épinal. D'ailleurs, Épinal, y a l'expression, les images d'Épinal, ah, qui si. Signifie, par exemple, des caricatures ou une image... Mm-hmm. Oui. Una imagen épinal en francés significa pues una visión un poco caricaturesca voilà. De un tema o de una persona oui. O de una situación, ¿no? Mm-hmm. Pues muy bien, muy bien. C'est une image d'Épinal, sí, una cosa un poco santurrona, un poco así, voilà, sencilla, un poco demasiado sencilla, pues, muy bien, una imagen d'Épinal. Muy bien, pues todo eso es Lorena. ¿De paisajes qué más tenéis? Alors, dans les paysages... On va parler plutôt des Vosges, puisqu'il a les Hautes-Vosges. Mmh. C'est le massif vosgien qui fait la frontière entre les Vosges et l'Alsace. Mmh. Les Hautes-Vosges, il y a par exemple le ballon, le grand ballon et le... O sea, que no son picos, son balones. Oui, parce que claro. C'est une ancienne, c'est un massif ancien. Sí, es un, yo recuerdo que en la geografía nos enseñaban que los Vosgos eran un macizo de la era primaria. C'est de ça. Los viejos, oui, comme oui. Le macizo central, par oui, exemple. C'est pour ça que c'est pas des pics comme dans les Alpes. Comme les Alpes, si. Muy bien. Le ballon, ballon Guebwiller, par voilà, exemple. Voilà, de Guebwiller. C'est le plus connu. Oui. Oui, très bien, muy bien. Et después, es curioso, porque los Vosgos, en realidad, continúan en Alemania con la... Oui, c'est cela. En fait, les Vosges, en France, on les appelle les Vosges, mais en Allemagne, c'est la Forêt Noire. La Forêt Noire, la Selva Negra. O sea, que es el mismo macizo. Oui. Y qué pasa en medio para separar? Entre les deux, c'est l'Alsace. C'est l'Alsace et con el río, el Rhin. Oui, et la plaine d'Alsace, et la plaine etc., d'Alsace. Là où il y a des vignes. Claro, los viñedos de Alsacia y tal. Mais oui, les Vosges et la Forêt Noire, c'est le même massif, mais qui a été séparé. Claro. Pasa lo mismo con el Jura. Eso, todo eso son emisiones para más veces. Porque Francia siempre está un poco metida en otros países, ¿no? Porque el Jura, hay una parte en Francia y una parte también en Suiza, ¿no? Y después los Vosgos pasan igual. Los Pirineos, no digamos. Los Alpes también. Sí, es la frontera natural. Sí, eso es. Muy bien. Pues bien, y entonces, pues los paisajes, entonces, allí, ¿qué tipo de habitación hay allí? Alors, l'habitation typique des Hautes-Vosges, c'est l'habitation des chalets. C'est-à-dire que c'est pas au sens où on le prend ici en Espagne, chalet, qui veut dire une villa, ou etc. Maison, ouais. C'est plutôt, c'est la maison typique de montagne en bois. Et oui, voilà, sur les flancs de la montagne. Par exemple, à Gérardmer, qui est une ville des Hautes-Vosges assez touristique, où il y a des pistes cyclables, etc. Des pistes de ski alpin. Il y a un lac glacier, il y a des chalets au bord de cette montagne. Mm-hmm. On peut y faire des randonnées sur des sentiers de tourisme vert. Il y a beaucoup de fermes auberges. Enfin, on y fait du tourisme rural. Voilà. Du tourisme rural. Des gîtes. Voilà. Le tourisme intérieur, ce qu'on appelle. Oui. Voilà. Qui est très prisé des Français. Les Français adorent se promener dans leur propre pays. C'est assez curieux. Ils sont très casaniers, très clochers. Ils vont voir le clocher des autres au maximum. Au-delà des frontières, pas trop. Il y a beaucoup d'Allemands qui viennent. Ah oui. Et de Suisses. Oui. Certainement attirés par les prix, je pense, qui sont plus intéressants que dans leur pays. Oui. Ah là là, l'argent. Allez, on va se reposer un petit peu et puis on va écouter une petite chanson que nous a choisie Caroline. Et qui est de qui est la de chanson? De Christophe Maé. Muy bien. Pues vamos a escuchar la canción. Venga. Nos... Tant de plaisir facile, d'envie puérile qui nous retiennent vers le bas. Prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire parce qu'on sait jamais. Capable du pire, d'aimer à culpa, de toutes les mauvaises fois. Qui pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera? Parce qu'on sait jamais. Alors on baisse les bras pour venir. Bueno, pues aquí estamos otra vez con Lorena. Vamos a ver, vamos a continuar. Ahora hemos hablado un poco de geografía física, ¿verdad? Dirían los maestros. Oui. Pues ahora vamos a hablar un poco de geografía económica. Uh-huh. Tu vas nous parler un petit peu des ressources économiques de la Lorraine. Mm? Oui, très bien. En Lorraine, il y a un antes et un ahora, ¿verdad? Oui, en fait, en Lorraine, c'est une région très riche au niveau des ressources naturelles. Mmh. On avait beaucoup de... Il y avait des mines parce qu'il y avait du fer, ce qui a débouché sur l'industrie de la sidérurgie, etc. Il y avait aussi en Lorraine du sel. Mmh. Et bien sûr, il y a l'industrie du papier. Oui. Alors, c'était très important. Si, es importante todo eso, porque el río... La presencia de una red de ríos pues permite un transporte barato para las materias ponderosas, que son vías de comunicación naturales realmente. Bueno, l'eau permet la papeterie y el textil, dos voilà, industrias le textil aussi con était el très agua, important en Lorraine. Claro. Y después ya la industria siderúrgica, l'industrie sidérurgique grâce aux mines de fer et puis aussi les mines de sel. Muy importantes las minas de sal, ¿verdad? Bueno. Et donc la Lorraine était une région puissante au niveau industriel. Très, très prospère, muy prospera. Voilà. Il y a eu beaucoup de migrations, notamment d'immigrants de Polonais, des Italiens qui sont venus dans le nord de la Lorraine, en Moselle. Dans le nord surtout. Sí, eso es la zona de Longwy, ¿verdad? Donde... Voilà, Longwy, toute cette région du nord de la Moselle. C'est d'ailleurs pour cela que pendant la guerre, on parle par exemple de l'Alsace-Moselle. Normalement, on parle de l'Alsace-Lorraine. Si. Mais normalement, c'est l'Alsace-Moselle. Parce que le reste de la Lorraine n'avait pas été, on en reparlera plus tard, mais le reste de la Lorraine n'avait pas été envahi. C'était seulement la Moselle. Si, claro. Parce que la Moselle était beaucoup plus développée que le sud de la Lorraine. Claro. Par exemple, les Vosges, l'industrie, il n'y avait pas grand-chose. Non. Sí, es la Lorena industrial. Es curioso porque cuando yo iba al colegio nos enseñaban las zonas industriales de Francia y eran tradicionalmente dos. Era Lorena y... Lille, etc. Lille. Mais c'est pour ça qu'on a une image pas très touristique, assez grise, etc. Mais ça, c'est vraiment une partie de la Lorraine. Mm-hmm. Et bon, ça va être en... On essaye de réhabiliter cette partie, parce qu'il y a beaucoup de chômage maintenant, etc. Et oui. Parce qu'à cause des fermetures d'usines. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Cerraron las minas. Es que en Europa han cerrado todas las minas. Oui. Nos ha pasado aquí también en España, en Asturias y eso, ¿no? Muchas minas cerradas porque no eran rentables. On avait des mines ailleurs plus rentables y tuvimos que cerrar las nuestras. Oui. Et entonces, allí salió un montón de paro, un montón de... il a fallu penser à une reconversion industrielle. Et entonces, claro, eso a planteado muchos problemas. Et on a essayé de réorganiser la vie économique dans d'autres directions. Mm-hmm. Pues muy bien. Bueno, Caroline, pues muy bien. Entonces, es una zona bonita para ir de vacaciones. Bien sûr, je vous le recommande. Ah, pues muy bien. Pues iremos a Lorena, entonces. Pero ¿sabes lo que te sugiero? Que vengas otro día a nuestro programa y nos cuentes más cosas, porque te he visto que tienes ganas de contarnos más cosas. Oui, il y a d'autres choses à raconter. Ça sera avec plaisir. Ah, bon, pues muy bien, pues apuntamos. Merci beaucoup d'être venu. Mais de rien. Voilà, et puis on va se retrouver. D'accord? Allez, au revoir. Au revoir. Et puis, chers auditeurs, au revoir.